Je me permets de vous dire que vous êtes, à mon sens, le pire parmi tous les candidats qui aient jamais été présentés par votre misérable parti. Ben, je me permets de vous dire...